toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show. Bonsoir à toi mon cher Tom. Salut, excuse-moi, je reviens d'un enregistrement pirate des Guns N' Roses, un concert, j'ai été, c'est moi qui a fait l'enregistrement pirate de ce concert. Un bon son bien pourri, il y a quelques années, voilà. Ah non, le son est vraiment bien pourri, mais on tenait à le faire. J'ai été avec mon téléphone, donc j'y étais avant-hier soir. Ouais, puis c'était un 3310 de chez Nokia, c'est ça ? Exact. Nouvelle génération, mais le son est d'époque. Allez, nous sommes dans une émission spéciale festival d'été, puisque bien sûr l'été commence bientôt. Et ce soir, nous vous présentons un spécial Download et un spécial Hellfest. Alors, on va d'abord parler du Download, qui se tiendra dans la région, au Plessis. Pâté, ouais, à Brétigny-sur-Orge. Ouais, et encore C'est le cœur d'Essonne. Voilà. C'est ça un peu. Et sur la base aérienne. La BA-217. Exactement. Bah, BA, ça veut dire base aérienne. Oui, je sais. Mon petit chéri. Nom de code BA-217. Voilà, et ça s'appelle le Download Fest. Ça se tiendra sur 4 jours, exceptionnellement, parce que Guns N' Roses, que vous avez entendu en ouverture d'émission, tiré d'un pirate, un bootleg. Que j'ai piraté, quoi. Que tu as piraté, ouais, bien sûr. Enregistré à Miami, quand même. Ah oui, j'ai été à Miami. J'étais hier soir. D'accord, non, c'était pas hier soir, mon petit chéri. J'ai jetlag. C'était en 2017, déjà. T'as pas envie de faire rêver les auditeurs, ça. Si, mais dis-nous ce que non, tu là, as passé. Tu fais pas rêver, quoi. C'était quel titre ? China's Democracy. Ouais, tiré du tout dernier album de Guns N' Roses. Ouais, dernier album qui date quand même de 2008. Exactement. Excuse-moi, mais dernier album. Quoi. Sauf que là, c'était une version live de 2017 quand même. Voilà. Tiré donc de ce pirate live enregistré par notre cher ami Tom qui s'appelle Not In This Lifetime Miami. Voilà. C'était du live, brut de décoffrage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit groupe qui est formé en 85, de LA aux États-Unis. Et ils seront à tête d'affiche de ce fameux festival dont on vous a parlé, du Download Festival, le lundi 18 juin. Ouais. Et ce sera le dernier jour. Ouais, ce sera le dernier jour du Download. Parce que c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et puis lundi, c'est petit concert, c'est petit décrassage. Ouais. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça. Alors on va pas vous donner des points techniques trop. On va vous parler des groupes essentiellement. Il y a combien d'amplis sur scène ? Non, mais on va pas vous parler de combien il y a de groupes et tout parce qu'on s'en bat les noix parce que de toute façon vous pourrez pas tous les voir parce qu'il y a plusieurs scènes parce que voilà. Et puis surtout parce qu'on n'a pas le temps. Et si, tu sais quoi, comment je vais voir, moi j'ai envoyé plusieurs drones et ils font toutes les scènes et j'aurai les caméras chez moi. Ouais, et tu vas te faire dézinguer après, tu vois. Ouais, parce que c'est quand même la base aérienne, donc je pense que les avions vont tous sonner drones, il y en aura plus. Donc je pense que ça va être dur. Bon, restez bien à l'écoute restez bien à l'écoute de l'émission parce que à chaque fois, à partir de maintenant, qu'on prononcera le mot download, il faudra le comptabiliser pour vous si vous voulez rafler des places pour aller au Download Festival. Il faudra nous dire combien de fois à partir de maintenant, top, j'ai dit download. Ouais. Hein ? À vous de comptabiliser. On va passer un grand coucou quand même à notre ami Eric de Radio Buzz. Et puis à notre ami Sydney qui nous rediffuse tous les lundis. On va s'évader. Soir. Hein. Voilà. Je sais pas si on va aller sur Sydney. Non, j'ai pas de groupe. Hein. Par contre, là, on va au Danemark. Avec Volbeat que vous entendez en fond sonore, qui sera également au Download Festival. Eux, ils joueront quand, mon cher Tom ? Oula, le 18 aussi. Ils seront le même jour que Guns N' Roses. Ouais, je crois qu'ils jouent juste avant Guns N' Roses d'ailleurs. Oui, parce que c'est quand même un gros groupe. Hein. L'album est sorti en 2016. Le 3 juin 2016 chez Republic Records. Ouais, et c'était le 6e album studio du groupe qui s'appelle Seal the Deal and Let's. Boogie, vraiment de Copenhague. Un putain d'album, franchement un putain d'album. Quintette de hard rock du Danemark formé en 2001. Ils nous viennent de Copenhague, comme tu viens de le dire. C'est formidable. Moi j'adore Volbeat. Moi j'adore Copenhague. J'adore cette voix, moi. Une voix chaleureuse. J'adore ce groupe. Après, vous pourrez en dire ce que vous voulez, on s'en fout. Un autre artiste que j'adore, avec une voix que j'adore, laisse-moi une voix reconnaissable, entre 10 000. Le gars est pas tout jeune, hein, puisqu'il a commencé sa carrière en 1979, avec un, peut-être même avant ça même, avec un groupe qui s'appelait Black Sabbath. Vous avez tous reconnu Monsieur Ozzy Osbourne, tiré de son dernier album en date, sorti en 2010, qui s'appelle Scream. Et le titre, Tom vous l'a dit. Laisse-moi entendre ton scream. Ton cri, exactement. Sorti chez Epic le 15-6-2010, c'était le dernier album, comme je vous l'ai dit, en date studio du Madman. Aujourd'hui, c'est un quintet de heavy metal formé en 1979 sur le nom de Ozzy Osbourne. Il nous vient du Royaume-Uni et c'est le loup-garou de Birmingham. Ils joueront au Download Festival le vendredi 15 juin et c'est la tête d'affiche de ce premier jour. On enchaînera ensuite avec les fantômes. Ah bah. Ghost, qui avec nous sort un nouvel album qui s'appelle Prequel. Parce qu'il faut dire préquel. Préquel parce que c'est en... Voilà, c'est en anglais, donc il faut dire préquel. Single, c'est Rats, sorti chez Spine Farm, Lona Vista Recording, le 1er juin 2018. Ça sortira, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. C'est un album de 10 titres. Ce qu'on en a entendu, c'est vraiment pas mal du tout. C'est un sextet de heavy rock formé en 2008. Oh, bon, maintenant, les Français le connaissent bien, hein, le groupe Ghost. Ils nous viennent de Suède, de Stockholm, et ils seront au Download Festival également le... Vendredi 15. Exactement, mon cher Tom. C'est bientôt. Hein. Bientôt. Et nous finirons avec... pour commencer hein, cette première plage musicale, nous finirons avec le groupe Opeth. Opeth, quintet de death progressif, qui nous a sorti un album en 2016, le 30 septembre 2016, chez Nuclear Blast, qui s'appelait... Sorceress. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom. Chaps. C'est Chaps ou c'est Casp? Vas-y, continue. Le Casp of Eternity. En live. Bien entendu. Voilà. Sorceress, c'est le nom de l'album. C'est tiré de l'édition limitée et de l'album, l'album qui a été donné en supplément, en bonus, qui contient 5 titres. Et bien, ce titre en live est tiré de ce bonus. Le groupe s'est formé en 1990 en Suède, à Stockholm, et ils joueront au Download le vendredi 15 juin. Voilà, c'est une émission spéciale vendredi 15 juin, enfin une première partie spéciale vendredi 15 juin. On va vous rappeler le numéro de téléphone. 06 81 01 28 34. Voilà. Ce numéro, gardez-le tout au long de l'émission, on vous le rappellera, car vous pourrez nous envoyer des SMS pour participer aux différents concours, parce que ce soir, on a quand même pas mal de choses, beaucoup de festivals, beaucoup de concerts à vous présenter et à vous faire gagner. Donc, on envoie la musique tout de suite, sans plus attendre, et on se retrouve tout de suite après pour cette émission spéciale Download et Hellfest Festival. Ozzy Osbourne. We'll be right back. De retour dans les studios du Rock for Show. Tu te serais pas trompé dans le fond sonore des fois, non? Non, on est bon? Non, je crois pas, non. C'est non, j'adore. Let's you down. Ça, c'est le titre? Laisse-moi par terre. Laisse-moi par terre, ouais, laisse-moi tomber. C'est ça, surtout. Nous sommes dans une émission spéciale. Download Festival, voilà, ça en fait encore une fois, et Hellfest. Pour l'instant, on vous parle du Download Festival, deux fois. On vous rappelle, hein, comptabiliser le nombre de fois où on donne le nom de ce festival qui a lieu à Brétigny-sur-Orge. Orge, hein, à la BA 217. Tout à fait, la base aérienne 217. Cœur de Seine. Cœur d'Essonne. Cœur d'Essonne. Essonne. Et c'est les dates, tu nous rappelles ? 15, 16, 17 et 18 juin 2018. Voilà. Et vous entendez un groupe qui sera encore à l'affiche de ce magnifique festival de la région parisienne, puisqu'il s'agit de 6h. 6h moins le quart ? 6h ? Non ? Non, il est quelle heure là ? Non, 6h17. 6h17. 16h ! Non, il est plutôt 20h en France. Sorti chez Pine Farm en mai 2017. C'était le 7e album du groupe, 7e album studio, bien entendu. Qui se nomme, c'est quoi le nom de l'album, mon cher Tom ? Poison, voilà. Parish. Ouais, voilà. Oh, là, là, là. Je l'avais pas suivi. Groupe d'Afrique du Sud qui fait du métal alternatif, formé en 2002. Et ils seront donc au Download Festival le 18 juin. Le 18 juin. C'est-à-dire le lundi. Tout à fait. Avant de continuer, je vais vous parler d'un autre festival qui n'a pas lieu à la même date. Vous allez pouvoir en profiter puisque ce sera le 2 juin. Ça s'appelle le Normandie Metal Fest 2. Retenez bien ce nom et retenez surtout le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Car il y a des places à gagner pour aller au Normandie Metal Fest. Alors qu'est-ce qu'on trouve au Normandie Metal Fest qui se trouve à Louviers dans l'Eure ? Eh bien, on retrouve plein de groupes de heavy metal que l'on affectionne, puisqu'on retrouve Hurlement, Silver Train, on retrouve Surpuissance, excellent groupe, Surpuissance, Madame Guillotine, Octane, nos petits chouchous. On retrouve également Looking for Medusa, on retrouve qui d'autre encore ? Silver Stage, Lone Wolf, ah, nos chouchous également de Lone Wolf, Demon Tool. Un groupe qui s'est reformé récemment, il n'y a pas très longtemps. Distillery, qui c'est que j'ai d'autres encore, Kozoria. Et pour finir, je crois que ça finit par Mag M-A-A-G, Free, c'est du heavy rock, je ne connais pas, mais voilà, ce sera à découvrir. C'est donc à Louviers le week-end prochain, c'est bien ça, hein, le 2 juin. C'est, non, pas celui-là, mais l'autre d'après. C'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Dans 10 jours, dans 12 jours. Ouais. Alors, ça s'appelle le Normandie Metal Fest 2. Et vous pouvez aller voir sur Facebook l'événement. C'est la salle polyvalente Le Moulin. 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler des places, vous nous envoyez un petit SMS en nous disant « Je veux aller au Metal Fest, au Normandie Metal Fest 2. » Voilà. Si vous voulez y aller, bien entendu, 06 81 01 28 34. Allez, on continue sur le Download Festival avec encore des groupes qui vont y aller jouer, puisqu'il s'agira encore d'une tête d'affiche, c'est Marilyn Manson avec son morceau Jesus Crisis, tiré de son dernier album Heaven Upside Down, sorti chez Lorna Vista Records le 6 octobre 2017. C'est un quartet de métal industriel gothique, bon, ça c'est vraiment très large, hein, qui s'est formé en 1989, mon cher Tom, et tu sais où ? Eh bien, aux États-Unis, à Fort Lauderdale. Et yeah. Sais-tu ce qui se trouve à Fort Lauderdale ? Non, mais tu vas me le dire. Eh bien, je vais te le dire. Un fort ? Oui, aussi, mais il y a aussi le bar de Monsieur Nico McBrain, batteur de Iron Maiden, dont on parlera un peu plus tard dans la soirée. Et voilà, il y a le bar de Monsieur Nico McBrain, où on a été, nous, avec mes amis, avec ma cousine, et tout ça. On a été boire, manger là-bas, et c'était vraiment bien, vraiment super. Par contre, ça ferme un peu tôt, hein, 22h30, c'est tôt. Donc, eh bien, Monsieur Marilyn Manson, ou Monsieur ou Madame, je ne sais pas comment on dit, sera donc la tête d'affiche du Download Festival pour la journée du samedi 16 juin. Nous enchaînerons ensuite avec The Offspring, les punks métalleux. Ouais, on peut dire, hein, parce qu'ils ont le cul entre deux chaises, c'est un peu trop punk pour les métalleux et un peu trop métal pour les punks. Donc voilà, le groupe qui a le cul entre deux chaises. Je vais te laisser les annoncer, mon cher Tom. Oui. Puisque c'est le tout dernier single du groupe. C'est-à-dire ? Bah, et pour l'instant, ils n'ont pas sorti d'album. Et ce single est sorti le 18 mars 2015. Ah oui. Il y a juste un single, il n'y a pas d'album qui contient ce titre-là. Tadam, tadam, tadam. Voilà. The Offsprings. Et l'album, le morceau ? Coming for You. Exactement. C'est venu pour moi ? Ouais, sûrement, ils sont venus pour toi, certainement, mon cher Tom. Bah, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour toi, hein, ça tu vas plaisir. Pas te plaindre. Du punk rock, donc, qui nous viennent des États-Unis, du comté d'Orange en Californie. Ils se sont formés en 1984 et ils seront au Download le samedi 16 juin. Exactement. Nous enchaînerons ensuite avec Avatar, un groupe que j'affectionne très particulièrement, autant par le charisme de son chanteur tout maquillé, mais également par l'éclectisme de leurs albums et de leurs titres. Le morceau que nous avons choisi ce soir s'appelle Avatar Country. Non, ça c'est l'album Statue of the King. Voilà, la statue du roi Avatar. Avatar Country, l'album sorti chez Eon Music le 12 janvier 2018, donc c'est tout récent. C'est du métal. Non, c'est pas du métal industriel, c'est du métal varié. Y a de tout dedans, y a vraiment de tout. Le groupe s'est formé en 2001 et nous viennent de Suède, de Göteborg, et ils seront au Download le samedi 16. Bah, si t'as envie de dormir, tu le dis. Excuse-moi, j'ai. Ça fait un petit moment. Ah oui, c'est vrai que t'as un métier, toi, à côté. Oui, ça fait un petit moment que je suis réveillé. Ouais. Je pense que le Québec n'était pas endormi, que j'étais déjà réveillé. Donc eux, ils sont réveillés, moi, j'ai toujours pas dormi. Alors, au samedi, ils seront au Download le samedi 16. Et je peux même vous donner l'heure. Ça sera à 19h30 sur la Main Stage 1. Alors, me demandez pas l'heure pour tous les groupes, hein, parce que je l'ai pas. Mais on vous rappelle, hein, donc c'est sur la base aérienne 217, Le Plessis-Pâté, à Brétigny-sur-Orge, Cordessonne, excusez-moi. Et ce sera donc le samedi 16 pour Avatar. On envoie la musique, 06-81-01-28-34. N'oubliez pas de comptabiliser combien de fois on a dit download hein, dans cette émission pour pouvoir rafler votre place. Ouais. Musique. On est parti. Allez. Marilyn Manson. I write songs and fight and I fuck too. If you wanna fight, then I'll fight you. If you wanna fuck, I will fuck you. Make up your mind, oh, I'll make it up for you. Yeah. No. King's Well. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les mercredis soirs. Enfin, pour nous, à Paris, en Europe. Par contre, pour le Canada, le Québec et le reste du monde, bah, vous êtes plutôt en journée. Non, hein. Le Japon, ils sont demain. Ils sont demain ? Ils sont demain. Le Japon, ils sont demain. Excuse-moi, mais voilà, le Japon, ils sont demain, déjà. Bon, bah, ils sont de l'autre côté. Hey, coucou ! Je sais pas, on dit Sayonara, Mister Kung Fu, c'est ça, hein ? Ouais, un truc du genre. Ouais. Un truc du genre. Allez, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe sera au Download Festival. Ça s'appelle Greta Van Fleet. Van Fleet. Et ça ressemble quand même fortement à du Led Zepp. Mais heureusement, puisque Led Zepp ne fait plus rien, donc comme ça, ça nous permet d'avoir un groupe qui leur ressemble. L'album s'appelle From the Fire, sorti chez Lava Music. Lavatory. c'est sorti quand ? C'est sorti le 10 novembre 2017 dernier, donc. C'est un quartet de hard rock, comme vous pouvez l'entendre, mon cher Tom. Oui, mon cher Phil. Quoi d'autre ? Plein de choses. On continue ? Raconte. Bah oui, je te laisse continuer. Ah. Donc le groupe s'est formé en 2012, hein, donc c'est quand même assez récent. Ils nous viennent des États-Unis, oui, c'est bien ça. Et de Saga... Saga quoi ? Saga ? Non, là va... Non. Ah, Sagui. Saguino. Saguino. Saguino. Saguino. S-A-G-I-N-A-W. N-A-W, voilà. Ils seront donc au Download Festival. Le 18 juin. Le 18 juin. Donc ne les ratez pas, parce que ça risque d'être assez sympa. Et apparemment, c'est un groupe qui est très en vogue actuellement. Et ma foi, l'album est vraiment excellent. On va vous parler d'un autre concert en parallèle du Download. Enfin, c'est largement avant le Download, puisque c'est cette semaine. C'est, je crois, vendredi soir. Ouais, après, donc, dans deux jours. Après-demain, voilà. Mmh. Et il y aura Charge à la boule noire, mais ils ne seront pas tout seuls. Ils seront avec nos amis de Molly Baron. Oui, on les retrouve encore côte à côte. Charge et Molly Baron à la boule noire vendredi soir. Et puis, il y a qui d'autre ? Evius, Demon Tool. Demon Tool et Haban. Aban, c'est ça. Abkan, je crois. Non, mais avec la sérigraphie. C'est ça, sérigraphie. Ouais, enfin, le truc, comment ils écrivent, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. Hein, bon. Bah, c'est compliqué à déchiffrer. La typographie, on va dire. Oui, la typographie. Ça sera mieux la typographie que la sérigraphie. Merci, très cher. Tu sais, c'est un typo, deux typos, trois typos, doudou. Bon, allez, on a des places à vous faire gagner pour ce concert donc qui aura lieu vendredi soir à la Boule Noire. C'est 4 groupes, 5 groupes ? 5. 5 groupes. Et tous excellents, donc ne les ratez pas. La Boule Noire, avant de vous mettre en forme pour aller au Download ou au Hellfest. 06 80 01 28 34. Il n'y a pas de question, on vous les donne, c'est comme ça, c'est cadeau. Par contre, j'espère que vous comptez le nombre de fois que Phil dit le fin de mot du festival, parce que moi je ne cite pas, parce qu'il les a comptés avant, donc il sait combien de fois il doit les dire. Donc, ouais, vous pourrez si j'en rajoute un ou deux, je suis perdu. En tout cas, vous pourrez réécouter les émissions et puis les recompter, parce que le concours n'est pas clos ce soir, il sera clos lundi soir, hein, c'est ça, hein, mardi, mercredi même. Non, ouais, dans une semaine, puisque de toute façon c'est dans deux semaines, donc vous avez le temps. Parce qu'il faudrait qu'il ait compté l'émission 2-3 fois pour être sûr d'avoir le bon. Exactement. Allez, on va enchaîner avec la suite de la programmation de ce Download Festival avec les Foo Fighters, mon cher Tom, qui seront également tête d'affiche. Mais alors eux, ils seront en tête d'affiche le dimanche 17 juin. Oui, au Download Festival, toujours au cœur d'Essonne. Voilà, alors Foo Fighters, vous vous rappelez tous, hein, c'est le groupe de... Mentos, non, Dave Grohl. Ah, mais Mentos, si, moi ça me fait penser à Mentos, mais c'est un... Oui, la pub. Ah oui, bien sûr. C'est truc mythique. Mais c'est surtout le groupe de Dave Grohl, le batteur de Nirvana. Oui, tu viens de dire. Ex-batteur de Nirvana. Et c'était à l'époque où justement le groupe, monsieur. Il y en a un qui s'est foutu une balle, je crois, hein, il me semble. Hein. Il est mort à 33 ans, c'est le mec qui est. Hein, ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, groupe qui nous vient de Seattle, Washington, État de Washington. C'est formé, donc, Foo Fighters s'est formé en 1994. Ouais. Enfin, Nirvana n'a pas été dissous, hein, comme c'est indiqué sur notre fiche. Hein. C'est juste que c'est le groupe qui a été disparu. Quoi, donc, Ouais, mais ils auraient pu continuer le groupe sans. Non, je pense pas. Pas possible. Ah, non, pour moi, Nirvana sur Kurt, c'est pas Nirvana. C'est d'accord. Ouais. Bon, le groupe sera donc tête d'affiche le dimanche 17, on vous le rappelle. Oui. C'était le titre qu'on va vous passer ce soir est tiré du 9e album studio du groupe qui est sorti le 15 septembre 2017 et Concrete and Gold et le morceau c'est Make It Right. On enchaînera ensuite avec quoi mon cher Tom? Français, ça y est. Matière Noire, c'est le nom de l'album à bout de souffle, c'est le titre qu'on va écouter. Extrait de Mass Hysteria, sorti chez V-Record plutôt, le 23 octobre. Ouais, 2015. 2015, c'est pas tout jeune déjà. Donc groupe c'est de fusion, alors ça c'est très réducteur de dire que c'est un groupe de fusion, mais oui, c'est la fusion de plein d'origines de musique. Le groupe s'est formé en 1993, ils nous viennent de Paris, France bien évidemment, et ils seront à l'affiche du Download Festival le dimanche 17 juin. Nous continuerons cette folle épopée du Download Festival avec The Hives. Alors là c'est pas récent, hein, c'est un album qui date de 2012, mon cher Tom. Oui. Un morceau qui dure très peu de temps. Une minute et des poussières. Non, une minute tout court. Je crois. Pas plus. Un petit peu plus. Attends, que je te dise pas. Une minute 7 secondes. Ah, une minute 7 secondes, alors. Ouais, c'est tiré ça que de leur album qui se nomme Lex Hives et le titre c'est. Come on! Eh ben allons-y, allons-y, bien sûr. Come on. C'est sorti donc en 2012, comme je vous le disais. Le groupe, je crois que c'est un des derniers albums du groupe, puisque le groupe a 5 albums à son actif, 5 albums studio, bien entendu. Ils nous viennent de Suède. C'est du rock garage, on va pour être. Ouais, concis, on va dire ça. Et ils seront à l'affiche du Download Festival le dimanche 17 juin. On vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler des places pour aller voir dans un premier temps à la boule noire Charge, donc vous nous envoyez juste un petit SMS avec marqué Charge dessus. Et si c'est pour le download, bah, n'oubliez pas, il faut comptabiliser combien de fois on aura dit download. Là, ça fait déjà deux fois que je le dis. Hein. Allez, musique, c'est parti, à tout à l'heure. We'll be right back. Yeah, de retour dans les studios. Voilà, pour le download, c'est terminé. Maintenant, vous allez pouvoir comptabiliser le mot Hellfest. 13e du nom. Ça se passe toujours à Clisson. C'est toujours relayé par le Rock for Show. Il y a toujours le même nom. Toujours le même nom. Ouais, Hellfest. Hellfest. La fête du Hell. La fête des Hell, c'est ça. Ouais, et d'ailleurs, on va parler parce qu'il y a L7 qui joue. Ils auraient dû s'appeler L13, L13. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Bon. Sais pas. Allez, ce que l'on a entendu, bah, je vous répète pas, puisqu'on est en train de vous mettre en plus, au fur et à mesure qu'on les passe, on vous les met sur notre Facebook, le Facebook du Rock for Show et le Facebook d'un des animateurs. À vous de chercher hein, un petit peu. Sachez que les émissions sont réécoutables sur Radio Biz, sur le podcast de Radio Biz, mais également sur le podcast du Rock for Show. Mon cher Tom, tu nous rappelles l'adresse ? archive.org et vous cherchez Rock for Show. Voilà, et également chez Metal Invasion. Metal Invasion. Le lundi soir. Tous les lundis soirs. Voilà, à partir de 20h. Et on salue Monsieur Sidney et on salue Monsieur Eric Flynn. Voilà. Et tous ceux qui tournent autour. Tous ceux qui gravitent autour de cette émission, label et consorts. Oui, bien sûr. Consorts ou qu'on rentre, ça dépend. Ouais, toi, tu vas sortir cash. Non, je vais pas sortir maintenant parce qu'on a des choses à annoncer. Tu vas rentrer chez toi. Notamment le groupe qui passe en fond sonore qui s'appelle Stone Sour et qui seront donc à l'affiche du Hellfest 13e du nom. Et eux, ils iront le vendredi 22 juin. Alors, le Hellfest, pour tout vous dire, 13e du nom, c'est en 2018. Ça commence le vendredi 22 et ça terminera le dimanche 24. Trois jours de festival à Clisson dans le 44, hein, la Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Ben, il y a 6 scènes, je crois, 4, 5, 6. Ouais, il doit y avoir 4 ou 5 scènes. Il y a aussi un festival off qui commence le jeudi. L'année dernière, on était un peu sponsor de ce festival off. Cette année, ben, comme on ne savait pas trop si on allait ou pas faire les émissions, eh bien, on a préféré décliner l'offre. Donc, ben, on fait quand même une émission spéciale Hellfest et Download en même temps. Stone Sour, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah oui, le dernier album s'appelle Hydrograd, sorti chez Roadrunner le 30 juin dernier. Dernier, puisque c'était le 30 juin 2017. C'est le sixième album studio du groupe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ils nous font un espèce de métal alternatif, c'est un quintet. Ils nous viennent des États-Unis de Des Moines. Voilà, et ils seront le 22 juin au Hellfest, c'est un vendredi. Nous enchaînons ensuite avec une des têtes d'affiche du vendredi, justement, 22 juin, qui se nomme Judas Priest. On vous en a pas mal parlé parce que cet album, Firepower, et le titre qu'on vous passe ce soir, c'est le titre éponyme de l'album, est vraiment un des albums certainement qui fera date cette année 2018. C'est sorti chez Sony le 9 mars dernier. C'est du heavy speed metal formé en 1969, année érotique, oui, s'il en faut. Ils nous viennent de Birmingham, comme Monsieur Ozzy Osbourne au Royaume-Uni. Et voilà, l'album est excellent. Nous enchaînerons ensuite avec les Suédois de... Mais c'est des Européens ? Bah oui, Europe ! Bien sûr, qui revient au Hellfest. Qui avait fait sensation en 2009, je crois, avec leur album qui s'appelle Walk the Earth. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Whenever You're Ready. L'album est sorti chez Silver Lining Music le 20 octobre 2017 dernier. C'est du hard FM, hard heavy, mélodique. Ils se sont formés en 1979, les Cocos, en Suède, et ils seront à l'affiche du Hellfest le 22 juin prochain. Voilà. On enchaîne ensuite avec une vieille. Bon, non, c'est les vieux de la vieille, hein, en fait, ce soir. Puisqu'il s'agira de Joan Jett and the Black Hearts. Ça, c'est celui-là qui dure moins d'une minute. Ouais, une minute pile, je crois. Non, non, moi, je suis. Love is All Around, tiré d'une compilation sortie en 2010. Et je crois que ce morceau est sorti aussi en 2010. Je ne mettrai pas ma main à couper. Mais en tout cas, on l'a trouvé sur cette compile. Une minute, on s'est dit que ce serait bien suffisant. J'ai rectifié 58 secondes. Parler de tout. C'est un quartet de hard rock formé en 1980. Avant, la demoiselle jouait dans les Runaways avec Lita Ford, Suzy Quatro, je crois. Et puis, il y avait une autre charmante demoiselle avec eux, puisqu'ils étaient quatre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, elle nous vient des États-Unis, bien évidemment, de New York. Et elle sera à l'affiche du Hellfest le vendredi 22 juin. On ne vous donne pas les scènes, hein, tout ça, vous allez les voir. Parce que surtout, il y a pas mal de changements. On s'est aperçu qu'il y avait des groupes qui ne joueraient plus le tel jour, mais le lendemain. Qui ne joueraient plus sur telle scène, mais sur une autre scène. Donc voilà, à vous de vérifier un petit peu votre programme. On envoie tout de suite la musique sans plus attendre. On est parti avec Judas Priest. Rise. turn the world on with a smile. You can take a nothing day and suddenly make it all seem worthwhile. What is it, girl, and you should know it. With each glance and every little movement you show it. Love is all around, no need to fake it. You can never it down. Why don't you take it? You're gonna make it after all. How will you make it on your own? This world is awfully big. De retour dans les studios Cataclysme, mais bon, on y revient. Sorti chez Nuclear Blast le 31 juillet 2015. Hein, l'album s'appelait Of Ghosts and Gods. Le groupe s'est formé en 91. C'est les Canadiens qui nous viennent de Montréal. Ils nous font du death metal mélodique. Ils seront au Hellfest le samedi 23 juin. Avenged Sevenfold, alors on les a passés ou on va les passer? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va y repasser. Hein. Bon, on va les annoncer déjà. Avenged Sevenfold tiré de l'album The Stage. Le morceau qu'on va vous diffuser ce soir, Monsieur Tom. Le morceau d'Avenged Sevenfold. God damn. Hein? God damn. Oui, God damn. Non mais il est sorti le 28/10/2016 chez Capitol, le label. Voilà, et c'est du métal mélodique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils se sont formés en 1999 aux États-Unis, près de Washington. Non, c'est Huntington Beach. Et ils seront au Hellfest le 23 juin prochain. On enchaînera ensuite avec Deftones qui seront aussi à l'affiche du Hellfest. Ce sera également le 23 juin. Ils nous viennent de Sacramento aux États-Unis. Ils se sont formés en 1988. L'album qu'on va vous passer, un titre de l'album qu'on va vous passer ce soir s'appelle Gore. Sorti chez Warner le 8 avril 2016. C'est du néo-métal. Et le titre que l'on va vous passer, mon cher Tom, c'est facile à dire, celui-ci. Géométrique Head Dress. Address, ouais. Address. Ce qui veut dire en address Je crois que c'est 100. Ben non, une tête couronnée, peut-être. Non, okay. Je sais pas. Dress, normalement, c'est une robe. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je dirais une tête couronnée. Je sais pas. J'en sais rien. Puis d'abord, faut pas essayer de toujours tout traduire parce que ça veut pas toujours dire ça. Des fois, ce sont des expressions. On enchaînera ensuite avec. Quelque chose que j'adore, ça s'appelle In This Moment, en particulier cet album-là. Et on retrouve Monsieur Rob Halford, chanteur de Judas Priest, sur ce morceau qui s'appelle Black Wedding, sorti en juillet 2017 chez Roadrunner. Et l'album s'appelle Ritual. Et dessus, vous pourrez retrouver une magnifique reprise de In The Air Tonight de Monsieur Phil Collins. Voilà, c'est du metalcore, c'est sympathique comme tout. Le groupe s'est formé en 2005, ils nous viennent de Los Angeles et ils seront au Hellfest également le dimanche 24 juin prochain. Donc voilà, quelque chose à me dire mon cher Tom? Non, c'est parti. C'est parti, allez, 06 81 01 28 34, si vous voulez rafler des places de concert, vous envoyez un petit message quand vous réécouterez cette émission. Musique. I love you for a thousand. to forsake you. Mother, there's no reason to regret. I heard the bells and I just knew an angel once, now a ghost of war, delivering me from my own desires, from a ring of fire. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz et sur Metal Invasion pour ceux qui sont lundi soir. Voilà, voilà, exactement. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Alice in Chains. Ils seront également au Hellfest le 24, le dimanche, et le dernier soir. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus? C'est un groupe qui s'est formé en 85 à Seattle, aux États-Unis. Donc ils sont encore eux aussi dans la vague un peu grungy, on va dire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler tout ce qu'on a déjà, dont on a parlé dans ce début d'émission. On a un concert à vous rappeler, c'est celui du 2 juin, hein, puisqu'il s'agit de When Reason Collapse, Deficiency et Gravity, qui aura lieu au Gibus Live. C'est ça, mon cher Tom ? Oui. Donc, c'est 18 Faubourg du Temple. Voilà, ouais, ça c'était pour... République. Voilà, et on va vous rajouter aussi... alors, je ne sais pas si c'était bien le 2, bien le 2 juin ? Pas sûr que ce soit le 2 juin. En tout cas, il y a un autre concert qui, lui, risque d'être le cette semaine, là. On parle pas de Deficiency. Si, Deficiency, oui, avec bien, When Reason c'est Collapse. C'est bien le 2 juin. C'est bien le 2 juin, d'accord. Au Gibus Live. Et le concert de Lumberjack, puisqu'ils nous l'ont envoyé, c'est cette semaine-là. Et ça sera au Covent Garden. Yes. Hein. C'est bien ça. Donc, allez voir sur les sites. Entrée libre. Voilà. Voilà. Donc, allez voir les Lumberjacks. Ils seront trois à jouer, Phoenix et The Griffers. Très bien. On enchaîne sur le Hellfest avec Iron Maiden, tête d'affiche du dimanche soir, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tête d'affiche donc du dimanche 24 juin avec le titre Speed of Light. Alors, c'est tiré d'un live Grand Arena à Grand Ouest en Afrique du Sud, je crois. Hein, si je me ouais, si, je crois que c'est ça. Hein. Et c'est tiré du live qui s'appelle The Book of Souls Live Chapter, qui est sorti le 17 novembre dernier chez Sanctuary Records. Et tu sais quand c'est que ça a été capté? Non, je sais pas. Le mercredi 18 mai 2016. Ah bah c'est bien. Voilà. Merci monsieur Tom pour cette info. Non, c'est très bien, très bien. Le groupe s'est formé en 1975 au Royaume-Uni à Londres. Ils seront au Hellfest le dimanche 24 juin. Ils enchaîneront, enfin peu de temps avant, joueront avant eux Nightwish, dont on va vous parler maintenant, tiré de leur album Vehicle of Spirit. C'est un titre en live, tiré de l'album bonus, parce qu'il y a trois CD dans cette série limitée, dans cette édition limitée de Nightwish. Et le morceau que je vous ai choisi, c'est Elan, puisque c'était le premier single qu'ils avaient sorti avec la nouvelle chanteuse Floor Jensen. Ça a été enregistré live à Sydney. Voilà, Sydney. Je savais bien qu'on allait en parler de Sydney à un moment donné ou à un autre. Sydney de Metal Invasion. Nuclear Blast, sorti le 16 décembre 2016. Et c'est donc dans le bonus track de l'album qui contient 10 titres bonus. C'est du heavy symphonique, formé en 1996. Ils nous viennent de Finlande et ils seront au Hellfest le dimanche 24 juin. Nous terminerons cette programmation pour l'instant avec Megadeth, tiré de leur dernier album en date studio qui s'appelle Dystopia. Le morceau c'est Lying in State, sorti le 22 janvier 2016 chez Universal. Le groupe fait du heavy thrash maintenant, hein. Avant c'était du thrash tout court, maintenant c'est plutôt heavy thrash, formé en 1983. Par Dave Mustaine, ex-Metallica. Il œuvrait aux États-Unis, à Los Angeles. Il sera donc le dimanche 24 juin au Hellfest. On vous rappelle qu'il faut comptabiliser le nombre de fois où on dit Hellfest pour rafler des places pour aller au Hellfest. Et vous envoyez un petit texto au 06 81 01 28 34. Musique, c'est parti. Just Thank you. Thank you. What we are witnessing is the decline of Western civilization, crushing our potential and piling it on. How will history portray us? Attack the family. Attack the faith and dreams. Attack the body and the head will fall. A lasting legacy, a ruin brought in haste. The enemy of truth is lying there in state. Another day, another manufacturing crisis, keeping the people distracted. There's no one playing by the rules anymore. How will history portray us? A broken backbone with nothing left to lose. That hate the sight of all the ones that do. A lasting legacy, a ruin brought in haste. The enemy of truth is lying there in state. A shiny new agenda burst from a depraved mind, of failing us on purpose to countries sanitize. It's Soviets for the masses, under Krug as hope and change. The new normal, or just more of the same. Pour la fin de cette émission dans les studios du Rock for Show sur Radio Biz, et vous écoutez les L7 qui sont de retour. Voilà, ils seront au Hellfest. C'est quand, mon cher Tom? Est-ce qu'on a vu ça? Ça sera le 24, le dimanche 24 également. Un groupe de grunge qui nous revient. On est bien content. Et elles seront aussi en concert à Paris. Donc, on vous regardez. Il y a les dates sur notre site, enfin sur notre page Facebook, parce qu'on a mis les flyers. Le groupe s'est formé en 99. Et voilà, ils font du grunge. On va terminer cette émission. Rapidement avec le groupe que j'affectionne plus particulièrement qui s'appelle At The Gate, tiré de leur album To Drink From The Night Itself, et c'est le titre qui a donné le nom à l'album, sorti chez Century Media le 18 mai dernier. C'est du death mélodique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils se sont formés en 1990, ils seront au Hellfest le 24 juin. Et ils nous viennent de Göteborg, ce sont des Suédois, At The Gate. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission en rediffusion. Et puis, on vous réserve quelques petites joyeuseries tout au long de cet été. Vous verrez bien ce dont il en retourne. En tout cas, il y aura deux émissions vraiment spécifiques pour les groupes canadiens. Deux émissions spéciales Canada, mon cher Tom. Oui, on sera encore là, mais voilà. C'était un cas à part en ce moment. Allez, on vous fait des grosses bises. On c'était vous dit, rock, c'était rock, fort, c'était chaud, c'était rock for show. À la semaine prochaine, bye bye. Ciao.